Легенда о нах. Прослушайте текст и объясните, почему чудовища вернули младенца. Un jour, les nains prirent à une femme son enfant au berceau et mirent à la place un petit monstre qui avait une grosse tête et des yeux fixes et qui voulait sans cesse à manger et à boire. La pauvre mère alla demander conseil à sa voisine. Celle-ci lui dit qu'il fallait porter le petit monstre dans la cuisine, le poser sur le foyer, allumer du feu à côté et faire bouillir de l'eau dans deux coquilles d'œufs. Cela ferait rire le monstre, et si une fois il riait, il serait obligé de partir. La femme fit ce que sa voisine lui avait dit. Dès qu'il vit les coquilles d'œufs pleines d'eau sur le feu, le monstre s'écria « Je n'avais jamais vu, quoique je sois bien vieux, faire bouillir de l'eau dans des coquilles d'œufs !» Et il partit d'un éclat de rire. Aussitôt, il survint une foule de nains qui rapportèrent l'enfant véritable, le déposèrent dans la cheminée et reprirent leur monstre avec eux.